est parti sans un regret sur l'océan. Le cœur complet d'espérance. En bout de course, l'Eldorado t'attend. Si Dieu te donne providence, larguez les voiles, hissez le grand mât de misaine. Souffle le vent du large se chargera de tes peines. File le temps, puisqu'il le faut, tu oublieras ta vie d'avant, d'avant les îles d'Avalon. Le miel est doux, même s'il a le goût du sang. Saumâtre de la trahison. À fond de cale sont remisés tous tes chagrins. Pleure, marin. Tes larmes sales et entremêlées aux embruns. Ode, chagrin. Héritier d'un monde perdu, ta quête est une prière. Ta foi te porte vers ces rives méconnues, peuplées de rêves et de chimères. Carguez les voiles, lissez le grand mât de misaine. Pauvre marin. Ne pleure pas, tout cela n'en vaut pas la peine. Vis ton destin.